Évariste Ndikobanyanka. Séraphine Hakizimana sur la mise en onde. Bienvenue, chères auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, à ce journal édition de la mi-journée de ce 15 mars 2018, dont voici d'abord le sommaire. Le torchon brûle entre le député Pascal Evizu Moreni, élu dans la circonscription de Ruigi, et l'administrateur de la commune Ebgeru, Nadende Venansi, cet élu du peuple, accusant cet administrateur d'être derrière les arrestations des membres de la coalition Midzeria Barundi, accusé de faire de propagande en faveur de non au référendum prochain, une accusation niée par cette administrative. Les boîtes de nuit insonorisées et des chambres de prière n'appartenant à aucune église agréée sont désormais interdites sur le sol burundais. Cette mesure ressort de l'ordonnance du ministre de l'Intérieur datant de ce jeudi 15 mars 2018. Et les médicaments manquent à l'hôpital de Manda dans la province de Bubanza. Le médecin directeur de cet hôpital dit être au courant de ce manque criant et précise que ça a été occasionné par l'insuffisance des médicaments à la Kamebou où l'on s'approvisionnait. Rebonjour et bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les Burundais Les Burundais recourent aujourd'hui au transfert de l'argent via le téléphone mobile, un nouveau rôle joué par les compagnies de télécommunications, pourtant pas reconnu par la réglementation. C'est du moins ce qu'indique le président de l'Association burundaise des consommateurs à Boukou en ce 15 mars, où le Burundi se joint au monde entier pour célébrer la journée internationale des consommateurs. Pierre Ndouayo fait savoir que ce moyen de transport d'argent fait face au risque des consommateurs qui ne sont pas suffisamment protégés, d'où le gouvernement devrait mettre en place une réglementation rassurant les consommateurs. Suivez Pierre Ndouayo, il est de là beaucoup. Cette année, le thème retenu, c'est rendre les marchés numériques plus équitables. Et pour notre pays, nous avons constaté que le transfert d'argent via les téléphones mobiles, ce sont des services qui se développent à un rythme très accéléré. Mais malheureusement, nous constatons qu'il n'y a aucune protection. Et c'est pourquoi nous plaidons à travers ce communiqué que les pouvoirs publics mettent en place une réglementation, parce que c'est une réalité socio-économique qui est là, ce transfert d'argent via les téléphones mobiles. Alors il faut que cette réalité-là soit encadrée par une réglementation. Et nous lançons aussi un appel aux compagnies de communication, parce que vous savez, c'est un domaine qui est tellement professionnel. Alors ces compagnies doivent mettre tout en œuvre pour donner des informations utiles afin de rendre transparent et équitable le commerce électronique. Mais également, nous les invitons à mettre en place un service de réclamation chaque fois qu'il y a un consommateur lésé dans ce domaine, pour qu'il y ait réparation très, très rapidement. C'était Pierre Ndouayo, joué au téléphone par ma consoeur Francine Ndihukugayo. Le directeur national des cantines scolaires affirmait le manque de nourriture dans certaines écoles de la province Bujumbura. Libo Abigilimana explique que ce retard d'approvisionnement a été causé par les travaux de réfection au port de Dar es Salaam en Tanzanie, où le programme mondial alimentaire fait passer ses vivres. Ce directeur rassure les écoliers que les vivres seront disponibles très prochainement et s'excuse de ce retard observé. Suivez plutôt Liboire Bigilman. Il y a absolument un problème relatif à la non-disponibilité des vivres sur certaines écoles des provinces de Bujumbura et de Bubanza. Le problème qui est survenu est principalement causé par des travaux de réfection en train d'être faits au niveau du port de Dar es Salaam en Tanzanie, ce qui a compliqué évidemment à la livraison de nos fournitures en temps réel. Donc vous comprendrez que c'est un problème qui existe et qui malheureusement n'a pas été résolu directement par le ministère de l'Éducation ou par le programme alimentaire mondial. C'est un problème qui est là, mais quand même, je me dis que d'ici peu, on va pouvoir distribuer les vivres, parce que la bonne nouvelle, c'est que je viens de prendre de la part de la personne chargée des cantines scolaires au niveau du PAM que les livraisons en grande partie sont en train de venir en provenance de la Tanzanie et qu'on s'organise, on s'attelle à une organisation du dispatching et du transport des cargaisons jusqu'aux écoles bénéficiaires. Je profite de cette occasion pour demander peut-être pardon aux parents, aux élèves pour la non-disponibilité de ces vivres. Ce qui est très important, c'est de voir comment disponibiliser au plus vite ces denrées qui sont en train d'être dispatchées pour être transportées aux écoles bénéficiaires d'ici la semaine prochaine. Donc, il y a de quoi espérer. Poursuivons ce journal par la page santé. Manque criant de médicaments à l'hôpital général de Manda, c'est dans la province de Bubanza. Les patients déplorent qu'il n'y a même pas de pharmacie de la mutuelle pour un si grand hôpital. Le médecin directeur de cet hôpital reconnaît ce manque et précise qu'il a été occasionné par l'insuffisance de médicaments à la Kamebou où on s'approvisionne et que c'est un problème qu'on rencontre aussi dans d'autres structures de soins. Les détails avec Spes Caritas Kavanyana. Marguerite Kamikazi est une femme qui vient de passer quelques jours au chevet de son enfant à l'hôpital général de Manda. Ce mardi, elle était en train d'acheter dans une pharmacie privée proche de l'hôpital des médicaments que le docteur lui avait prescrits, préfacés. Elle nous a expliqué qu'elle n'a pas pu trouver à l'hôpital aucun parmi les 3 médicaments qui se trouvaient sur cette ordonnance médicale. Cette femme, elle est parmi beaucoup d'autres qui se lamentent du manque criant de médicaments à l'hôpital général de Manda. Et disent qu'il n'y a même pas de pharmacie de la mutuelle, du moins pour ceux qui détiennent la carte de cette institution. Il y faut un déplacement jusqu'à Bubanza ou à Bujumbura pour pouvoir trouver les médicaments prescrits sur les bancs de la mutuelle. De son côté, le médecin directeur de cet hôpital reconnaît ce manque de médicaments et précise que ce problème se trouve aussi dans toutes les autres structures de soins. Docteur Aimé Richard Niyonguru explique que le taux de service à la Kamebou ne dépasse jamais 30% et descend même jusqu'à 10%. Il précise que le reste des médicaments qu'on ne parvient pas à trouver à la Kamebou sont cherchés dans des pharmacies privées et souvent avec moins de chances d'en trouver. L'administrateur de la commune Manda, quant à lui, tranquillise ceux qui utilisent la carte de la mutuelle de la fonction publique. Frédéric Chongera dit que bientôt une pharmacie de la mutuelle sera mise en place à cet hôpital. Cette Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isangani. Merci à Spes Caritas Kavanyana. Restons dans cette province de l'ouest du pays où un enseignant de l'école fondamentale de Mugaruro en commune Manda est en cavale depuis bientôt une semaine selon les témoins sur place à Mugaruro. Cet éducateur est accusé d'avoir violé son élève selon la même source au niveau de l'administration et de la police. L'on indique qu'on est à sa recherche afin de bien mener les enquêtes. Un militaire du nom de Pascal Ngendakoumana a été introuvable depuis la nuit de ce mardi. Il aurait été kidnappé par des personnes non encore connues alors qu'il rentrait d'un bistrot dit Chika du centre-ville Ngozi. La famille de ce militaire est en fonction au 421 bataillon de Karusi dit qu'elle leur reste sans nouvelles. Un homme qui l'a accompagné cette nuit-là est dans les mains de la police pour question d'enquête. Toujours en Ngozi, les responsables de la santé animale en province Ngozi demandent plus de vigilance aux éleveurs de petits ruminants de cette province afin d'éviter l'entrée de la peste dans ces bêtes en Ngozi. Yves Chimiliman, médecin vétérinaire provincial, le dit après des soupçons faisant état de la présence de cette maladie en province Kayanza, limitrophe de Ngozi. Les détails avec Apollinaire Muzakara. Cette peste de petits cheminot résonnait ces jours-ci dans les communes Muhanga et Rango de la province Kayan, ce qui a poussé le gouverneur de cette province à arrêter certaines mesures visant la non-propagation de cette maladie. Parmi ces mesures, l'arrêt des mouvements de chèvres et moutons d'une commune à une autre, la fermeture momentanée des marchés de ces petits ruminants dans ces deux communes. Les éleveurs sont aussi obligés de nourrir ces bêtes dans leurs étables et selon toujours le gouverneur de la province Kayan, de telles mesures avaient été déjà prises en province Ngozi, mais n'ont pas été respectées. Face à cela, le médecin vétérinaire provincial de Ngozi demande aux détenteurs de chèvres et moutons de cette province le strict respect de ces mesures préventives pour que cette peste n'affecte pas la province Ngozi qui avait été épargnée jusqu'à présent. Ngozi, Aponer Muzagara, Radio Sangani. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, les boîtes de nuit insonorisées ainsi que les chambres de prière non affiliées à une église reconnue par la loi sont désormais interdites sur le sol burundais. Ce sont quelques-unes des mesures contenues dans l'ordonnance ministérielle sortie ce 15 mars par le ministre de l'Intérieur, Adidandaï Kézalu. Pour nous, cette ordonnance, voici son compte rendu. Dans cette ordonnance signée par le ministre de l'Intérieur, à son article 1er, il est stipulé que les boîtes de nuit insonorisées sont interdites. À l'article 2, les bars dancing, situés dans les agglomérations résidentielles, peuvent organiser les karaokés et musique à haute portée uniquement les vendredis et samedis sans dépasser 22 heures. Dans cette ordonnance également, les lieux de dancing ne sont pas autorisés à recevoir les enfants d'au moins de 18 ans, non accompagnés par leurs parents ou tuteurs. Pour ce qui est des prières, à l'article 4, les veilles de prière sont soumises à une autorisation préalable du maire de la ville ou du gouverneur de province. Et les prières allant au-delà de 22 heures sont considérées comme des veillées et à ce titre doivent requérir une autorisation préalable. À l'article 6 de cette ordonnance ministérielle, les chambres de prière non affiliées à une église régulièrement agréée au Burundi sont strictement interdites. Pour ce qui est des sanctions, l'article 7 prévoit une amende de 100 000 francs bou à 200 000 francs bou à l'endroit des contrevenants à toutes ces dispositions. En cas de récidive, les lieux seront définitivement fermés. Le maire de la ville et les gouverneurs de province sont chargés de faire respecter cette ordonnance du 15 mars 2018. Merci à Arida Ndaïkeza. Place au sport. Du 10 au 13 mai 2018, le Burundi va abriter pour la première fois les compétitions africaines du judo. Les judokas en provenance de 35 pays vont participer dans cette compétition. Cela a été dit par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture lors d'un point de presse animé ce jeudi. Jean Bosco Hitiman a précisé que les gagnants de cette compétition auront l'opportunité de participer dans les Jeux Olympiques qui se dérouleront au Japon en 2020. Suivez plutôt Jean Bosco Hitimana, il est ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. La Fédération burundaise de judo a eu un accord pour organiser à Bujumbura pour toute première fois un championnat d'Afrique cadet junior édition 2018. En plus de cet accord, elle vient d'accueillir trois missions d'inspection. La première a effectué sa mission du 17 au 19 août 2017, la deuxième du 17 au 12 novembre 2017 et enfin la dernière qui a validé tous les travaux déjà réalisés dans ce cadre. Elle a séjourné du 9 au 12 janvier de cette année. Le championnat d'Afrique cadet junior 2018 trouve son importance sur le fait qu'il est qualificatif directement pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires de 2018 et indirectement pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Pour cela, il mobilisera plus de 335 pays d'Afrique avec plus de 300 judokas et plus de 150 officiels pendant 10 jours. Ainsi, l'organisation de ce championnat aura pour le pays un impact économique majeur dans la mesure où presque tous les membres de toute cette délégation auront à payer leur visa d'entrée au Burundi. Les hôtels retenus seront complètement ou pendant 10 jours, d'où des retombées importantes en devises. Vu la période que le Burundi vient de traverser, accueillir un tel événement est une aubaine pour le pays en général et pour la jeunesse en particulier. Après l'organisation d'un tel événement, l'oisiveté de la jeunesse se transforme en engouement pour le sport. Ainsi, notre jeunesse sera rassemblée autour d'un idéal sportif, éducatif et réconciliateur. L'esprit patriotique sera encore plus renforcé dans notre jeunesse burundaise. À présent, c'est place à l'environnement. Les habitants de Kamenge, au nord de la capitale Bujumbura, demandent le réaménagement des canaux où passent les eaux du ravin appelé Koganhore, près de la route principale allant vers Bugarama. Cela pourrait aider à diminuer les problèmes que causent ces eaux pendant la pluie. Ces eaux de pluie menacent en fait les maisons se trouvant à leur passage. Les enfants qui vont à l'école ont également des difficultés à se rendre à l'école lorsque la pluie abondamment. Léonce Vitariho Rondre de Kamenge, voici son reportage. Les eaux de ces petites canalisations dites Tchari et Koganhore se rencontrent en aval de la station Kobil, non loin de l'endroit appelé Iwawawanu à Kamenge. La canalisation se trouvant entre la route et les maisons va porter ainsi le nom de Koganhore. Les eaux ont de fortes pressions quand il a plu en abondance, comme cela a été le cas ce jeudi matin, et les conséquences ne manquent pas. La boue, le gravier et le sable notamment remplissent la route. Les eaux se déversent dans des maisons. Les enfants éprouvent également des difficultés à se rendre à l'école, etc. Quand la canalisation de Koganhore est remplie de ces eaux de pluie, ceux qui sont à la recherche du sable et du gravier n'ont plus à se fatiguer. Mais pour eux, ce n'est pas du courage qu'ils font, c'est plutôt aider la population des environs. Ils demandent que les autorités concernées fassent tout pour élargir la canalisation pour que celle-ci puisse mieux contenir ces eaux. Les eaux de Tchari et Koganhore se manifestent à travers la boue, le sable, le gravier et autres objets laissés dans la route et leur force s'amplifie quand elles se rencontrent avec la rivière Nyabagere. Les canalisations de Tchari et Koganhore ont de l'eau pendant la pluie et elles tarissent ou presque pendant l'été. Merci à Léonce Vitariho. Place à la politique, le député Pascal Bizumuremyi dit que les membres de la coalition Amizero y'Abarundi en commune Bweru dans la province Ruyigi sont victimes des arrestations illégales sur des accusations de propagande en faveur de non aux élections du référendum constitutionnel prévu au mois de mai prochain. Il pointe du doigt l'administrateur communal l'accusant de mettre en application des menaces d'emprisonnement qu'elle avait déjà proféré à l'encontre des membres de cette coalition et dénonce l'implication des jeunes du parti au pouvoir dans ces arrestations. Il demande à l'administration d'arrêter cette pratique. Il y a un ça ne va pas. Ça ne va pas quand même, n'est-ce pas ça? Et basé sur les arrestations illégales pour les membres fidèles d'Agathoni Gwasa de la coalition Mizero y'Abarundi. Je peux donner un exemple typique. Il y a un enseignant qui vient d'être arrêté de l'école fondamentale d'Onzozi, zone Mubavu, commune Bweru. Il a été arrêté avant-hier par complot et montage fait par les Imbonerakure qui sont affiliés au parti qui est au pouvoir. On l'a accusé d'une façon fausse qu'il a enseigné les gens de voter Oya. Or, ce n'était pas une pire réalité. Ce n'est que tout simplement de mettre en application ce que l'administrateur de la commune Bweru avait prononcé publiquement au mois de janvier lors de la réunion tenue à Mubavu. Elle a dit ceci, qu'il n'est pas arrêté tous les membres fidèles d'Agathoni Gwasa parce qu'il est accusé qu'il ne répondait pas massivement aux réunions organisées par le parti CNDD-FDD. Ces fidèles que vous dites d'Agathoni Gwasa ne seraient pas arrêtés sur base des fautes commises et non pas sur suspicion comme vous le dites? Non, non. En tant qu'élu du peuple, je vois la faute et ce qui n'est pas quand même une faute. Seulement, par exemple, ce monsieur Nayabagabo Djohache qui vient d'être arrêté et qui est jusqu'à maintenant en détention, il a été accusé par les deux gens des Imbonerakure tout en disant que peut-être il aurait enseigné de voter lors des élections prochaines, de voter plutôt non. Le député Pascal Bizumuremyi était au micro de Charles Makoto. Nadine de Venancy, administrateur de la commune Bweru, nie les accusations portées contre elle. Selon elle, seuls les présumés coupables sont arrêtés et traduits devant la justice. Elle s'inscrit en faux contre les accusations portées à l'égard des jeunes du parti présidentiel, affirmant qu'il s'agit des membres des comités mixtes de sécurité issus de toutes les couches de la société et dont le rôle et la mission sont régis par la loi, élue par les députés dont fait partie Pascal Bizumuremyi. Suivez l'administrateur de la commune Bweru dans la traduction de Marie-Claire Cazenetre. Honorable Pascal, et non bisari karan telefona avuga yuko kwa mure. Ce député m'a appelé pour me dire qu'il y a eu une injustice dans l'arrestation d'un enseignant du nom de Joachim. On avait des informations qui disaient que cet enseignant, Domi Bavou, était en train de faire la propagande des lire non au sein de la population. Nous avons collaboré avec le commissaire communal de la police qui s'est rendu à Mibavou pour arrêter cet enseignant. Cet enseignant lui-même fait savoir qu'il n'a pas été maltraité par les membres des comités mixtes de sécurité qui l'ont arrêté sur la colline. C'est leur rôle d'arrêter ceux qui pourraient perturber la sécurité. Les présumés, une fois arrêtés, sont traduits devant la justice. Par rapport aux accusations du député Pascal de la réunion que j'ai tenue, il s'agit des propos qui ne tiennent pas debout. Suite à ses propres spéculations, la réunion s'est tenue au grand jour. Je n'ai jamais prononcé ces mots. Ce qui est triste, c'est que toute personne qui se rend coupable d'une infraction quelconque, et selon ces gens qui visiblement agissent contre l'intérêt du pays, est assimilée au mouvement d'Imbonerakure. Faut noter que les comités mixtes de sécurité sont composés de gens qui proviennent de toutes les couches de la société. Pour ce député, toute personne qui est fautive sur la colline Mibavu devient immédiatement Imbonerakure. Mais après analyse, on se rend compte que c'est du pire mensonge. Prière, nous excuser, c'est pas la traduction de Marie-Claire Kazeneza, mais plutôt la traduction de Francine Ndihukugayo. Le Conseil national de sécurité tranquillise les étudiants suivant les formations académiques du soir, tout en se souciant de la qualité de l'enseignement. Dans un communiqué sorti ce mercredi, élu par le secrétaire permanent de ce conseil, donne un délai de 2 semaines pour que certaines usines opérant le long du lac Tanganyika afin de présenter le plan de traitement des eaux usées de leurs entreprises. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité. Le torchon brûle entre le député Pascal Ibizou Moreni, élu dans la circonscription de Ruyigi, et l'administrateur de la commune Ebgeru Nadende Venancy. Cet élu du peuple accusant cet administrateur d'être derrière les arrestations des membres de la coalition Mizero ya Barundi, accusé de faire de propagande en faveur de non-référendum prochain, une accusation niée par cet administratif. Les boîtes de nuit insonorisées et des chambres de prière n'appartenant à aucune église agréée sont désormais interdites sur le sol burundais. Cette mesure ressort de l'ordonnance du ministre de l'Intérieur datant de ce jeudi 15 mars 2018. Et les médicaments manquent à l'hôpital de Domanda dans la province de Bubanza. Le médecin directeur de cet hôpital dit être au courant de ce manque criant et précise que ça a été occasionné par l'insuffisance des médicaments à la Kamebou où l'on s'approvisionne. Merci à Francine, merci plutôt à Séraphine Akizimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Et vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Nous vous souhaitons de passer une agréable après-midi. Au revoir.